Nico Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro, c'est le journal parlé en français. Nous sommes le 30 mars 2021, c'est la grande édition de cette mi-journée. Les grands titres, les transporteurs en commun opérant sur l'axe Bujumbura-Lumonge s'indignent du fait que l'administration leur fait payer des taxes sur chaque barrière communale. Le gouverneur de la province de Lumonge déclare que ces lamentations sont sans fondement. Et la cohabitation entre les rapatriés venant de Tanzanie et les résidents est bonne en commune Gisuru de la province Ruyigi, d'où nous appellerons notre correspondant Jean-Claude Nshimirimana. Et l'équipe nationale de football, les Inhamba Murugamba, joue avec le Maroc son dernier match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 à Rabat. Ce sera aujourd'hui à 21h. Et le président du parti monarchiste, Guillaume Ruzovio, est mort ce lundi. Il avait 65 ans. Et dans la chronique santé, on vous propose la deuxième et dernière partie sur le traitement de l'obésité. Ce sera avec Dr Jean-Claude Chichahayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La cohabitation entre les rapatriés venant de Tanzanie et les résidents est bonne en commune Gisuru de la province Ruyigi. Toutefois, l'assistance sous forme de paquets retour donnés aux rapatriés est source de frustration pour certains résidents et ceux qui privent la liberté aux rapatriés. L'administration communale à Gisuru conseille aux résidents de bien accueillir les rapatriés et à s'entraider avec eux comme ils le peuvent. Surtout que pour la plupart, l'assistance donnée aux rapatriés ne parvient pas à couvrir la période de 3 mois pour laquelle elle a été prévue. Jean-Claude Chimirimana. Un bon accueil matérialisé par l'entraide en produits vivriers manifestée par les résidents envers les rapatriés de la commune Gisuru dans la province Ruyigi est l'un des éléments positivement appréciés par les rapatriés. Certains rapatriés et résidents de la colline Lukobe dans cette commune témoignent cette cohabitation harmonieuse. En vérité, les résidents se sont réjouis quand ils nous ont vus. Ils nous ont même aidés à déplacer nos bagages. Nous les avons retrouvés eux aussi dans la pauvreté. Celui qui avait le manioc nous a donné et nous mangions cela. Ils se sont réjouis, il n'y a pas de problème avec eux. Sur notre colline Lukobe, il n'y a pas eu de discrimination après leur rapatriement. À leur arrivée, s'il a eu de l'argent ou de la farine, le rapatrié me donnait une partie et à mon tour, je lui donnais ce que j'avais, nous partagions. Toutefois, l'assistance donnée aux rapatriés à leur arrivée pousse certains résidents à avoir une dent contre les rapatriés. Ils ont une dent contre nous. Si on va quelque part, certains te disent « Va manger l'argent qu'on t'a donné, il ne s'est pas encore épuisé. » Ces propos nous font du mal. Nous ne causons pas avec ceux avec qui nous causions auparavant. Nous n'avons pas de liberté. Certains disent à un rapatrié qu'on lui a beaucoup donné, qu'il est épargné de la faim. Ils lui disent qu'on lui a donné de l'argent, mais qu'on ne se souvient pas de donner aux résidents. Cette aidant manifestée par certains résidents a été déjà portée à la connaissance des responsables administratifs communaux. Gad Ninganza, il est administrateur de la commune Gisuru. Autre élément soulevé est que la cohabitation est bonne en général, mais dans certains endroits, l'assistance donnée aux rapatriés est source de mécontentement des résidents, ce qui fait que des fois, si un rapatrié a un problème, les voisins lui disent que le HCR lui a donné une assistance. Cet administrateur communal conseille les résidents à accueillir chaleureusement les rapatriés. Aussi, il les appelle à partager avec ceux-là ce qu'ils ont et à s'entraider à leur niveau, précisant qu'en général, l'assistance alimentaire de 3 mois donnée aux rapatriés ne parvient pas à couvrir cette période. Jean-Claude Nshimirimana, depuis la colline Rukobe, en commune Gisuru de la province Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Les transporteurs en commun opérant sur l'axe Bujumbura-Lumonge s'indignent du fait que l'administration leur fait payer des taxes sur chaque barrière communale. Pour eux, les barrières se sont multipliées et les chauffeurs sont contraints de payer plus par rapport aux années antérieures et demandent à l'administration de revoir cette décision. Ils s'entretiennent avec Jean-Pierre Misago, c'est notre correspondant là-bas. Actuellement, tout a changé. Auparavant, nous payions la taxe une fois pour toutes pour nous rendre à Bujumbura. Quand nous utilisions les bus de marque IAS, on nous taxait 500 francs bout. Avec l'arrivée des bus de marque Quaster, la taxe s'est élevée à 1000 francs bout. Or, aujourd'hui, la taxe a doublé. Les barrières sont devenues nombreuses. On les trouve à Magara, à Gitaza et à Kabezi, mais on peut tolérer celle de Kabezi car on est dans une autre province. Ce qui est déplorable, c'est qu'au centre-ville de Rumonge, nous sommes obligés de payer une taxe de 2000 francs bout et une autre de 1000 francs bout pour chaque barrière, c'est-à-dire celle de Magara, Gitaza et de Kabezi. Autrefois, il y avait un ticket de stationnement au parking des bus. Il y avait quelqu'un qui nous faisait payer parce qu'on était prêt à partir. Il surveillait les bus de ce parking, même auquel il était affecté seulement comme on fait payer les taxes aux vendeurs de colocase ou de patates douces. Il n'y avait pas de barrière. Mais aujourd'hui, la différence est que chaque commune nous fait payer une taxe. Les barrières se sont multipliées. Par exemple, Muhuta, Bugarama, Kabedi. Ce sont des nouvelles barrières qui sont mises en place. Même si on transporte des biens et personnes jusqu'à Makamba, nous utilisons souvent ce tronçon Bujumbura-Rumonge. On souhaiterait que l'on paie seulement à Rumonge et à Bujumbura parce que ce sont nos points de départ. Des transporteurs opérant sur l'axe Bujumbura-Rumonge dont les propos ont été recueillis par notre correspondant Jean-Pierre Misago. Et le gouverneur de la province de Rumonge déclare que ces lamentations sont sans fondement. Consolateur Nitunga affirme par contre que ces barrières ont été réduites pour l'intérêt de ces chauffeurs de bus et taxis ainsi que pour l'intérêt du pays. Suivez le gouverneur de la province de Rumonge joint au téléphone par Evariste Nzikobanyanga. Les chauffeurs n'ont pas raison parce que après avoir tiré les inquiétudes en rapport avec la spécificité de barrières, on a pris les choses en main. On a diminué les barrières. Comme vous le savez, par exemple, à Mouta, il y avait deux barrières. On a réduit les deux barrières en une barrière. À Bugarama, Memema, ces barrières ont été mises à la sortie de ces communes. Donc, nous vous dirons que ce qu'ils sont en train de dire n'ont pas de fondement. Donc, nous encourageons. D'ailleurs, les chauffeurs qui ont vu que la mesure qui a été prise a été bénéfique pour toutes les parties, c'est-à-dire l'administration ainsi que les chauffeurs en particulier. Je vous dirais, de Rumonge à Bujumbura, c'est à 70 km. Comment se fait-il qu'à 70 km, vous y mettiez deux barrières? Donc, ceux qui sont en train d'avancer, ces chauffeurs, ils n'ont pas de fondement. Mais il faut qu'ils sachent que nous sommes au service, à leur service, au service du pays. Nous devons s'entendre sur certains principes en vue du développement de notre province, de notre pays. Donc, à ces chauffeurs, je leur demande s'ils ont un problème quelconque, de toujours s'adresser à leurs autorités locales en vue de trouver une solution. Mais d'emblée, actuellement, leur problème était sur le nombre de barrières qui étaient multiples et on a répondre à leurs problèmes et positivement. Nous avons réduit le nombre de barrières. Voilà, c'était le gouverneur de la province de Rumonge, Consolateur Nitunga, au téléphone avec Evariste Nzikobanyanga. Il est 13h07 à Bujumbura. Vous êtes branché sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les commerçants du marché central de Ngozi sont appelés à mettre dans leurs échoppes des extincteurs de feu et de penser à l'assurance de leurs marchandises. Le gouverneur de cette province a tenu ce lundi une réunion à l'endroit de ces commerçants. C'est après l'incendie survenu samedi passé dans ce marché. Il a été aussi question de songer aux victimes de cet incident en proposant la collecte des fonds pour reprendre le commerce. Apollinaire Munzagara. En vue de sécuriser le marché central d'Ongozi et ses marchandises, les représentants des commerçants et l'administration ont conseillé à tout commerçant de disponibiliser dans sa boutique une bouteille à gaz extincteur. La mise en place des détecteurs d'eau fumée dans son marché a été également évoquée dans cette réunion tenue par le gouverneur de la province Ngozi aux commerçants, sans oublier des grands réservoirs d'eau dans les quatre coins du marché, car il a été constaté que le camion extincteur de la police peut tomber en panne ou être ailleurs durant l'incendie. Ces commerçants commerçants sont également appelés à faire assurer leurs marchandises afin d'être dédommagés en cas d'incendie ou un autre incident. Dans cette réunion, plus d'un ont proposé l'inventaire des dégâts causés par le feu de samedi passé et de collecter des fonds nécessaires en vue de venir en aide aux commerçants victimes de l'incendie. Le gouverneur de la province Ngozi Pipo de Baranyikwa a vivement remercié la population et les forces de l'ordre qui n'ont ménagé aucun effort pour maîtriser rapidement ce feu et limiter par conséquent les dégâts d'Ngozi. Apollinaire Muzagara, Radio Isangani. Merci Apollinaire Muzagara. Nécrologie dans ce journal, je vous l'avais dit dans les titres. Le président du parti monarchiste parlementaire du Burundi, Guillaume Ruzovio, n'est plus de ce monde. Depuis ce lundi 29 mars cette année, né en 1956, il a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement burundais, dont celui d'ambassadeur de ce pays en Russie. Les détails sur sa vie avec Vestine Boutoui. Prince Ruzovio Guillaume, homme politique burundais, est né en 1956. Il a fondé en juin 1992 avec Mathias Hitimana le Parti de la Réconciliation du Peuple avant de se créer le 12 janvier 2005. Le parti monarchiste et parlementaire du Burundi, Abagenderabanga, qu'il a présidé durant toute sa vie. Ruzovio a été directeur du Centre burundais pour l'étude et l'animation culturelle, Cebulac en sigle, fondé par le gouvernement burundais en 2007. Lors des élections législatives et présidentielles de 2010, le parti monarchiste et parlementaire du Burundi s'est allié au Conseil national pour la défense de la démocratie, Force pour la défense de la démocratie, CNDD-FDD en sigle. Grâce à cette alliance, Guillaume Ruzovio a obtenu le poste d'ambassadeur du Burundi en Russie jusqu'en 2016. En tant que membre du conseil d'administration de la Conférence monarchiste internationale, le prince Guillaume Ruzovio souhaite connaître la vérité sur l'assassinat du roi Ntare V et que les auteurs de ce crime soient traduits en justice. Marié à Jeanne Ndabe Meye, le prince Ruzovio a eu 3 enfants. Merci Vestine. Et en bref, l'équipe nationale de football Zinhamba Murugamba joue aujourd'hui avec le Maroc son dernier match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 à Rabat à 21h. Le Burundi est obligé de gagner ce match crucial afin de pouvoir avoir le ticket de participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera en janvier au Cameroun en 2022. L'autre condition à laquelle les Hirondelles du Burundi sont suspendues, c'est que la Centrafrique égalise ou bat la Mauritanie dans leur match d'aujourd'hui à 15h. Vendredi dernier, le Burundi s'est séparé avec la Centrafrique sur un score paritaire de 2 buts dans un match joué au stade Intwari de Bujumbura. Et dans le groupe E, le Burundi occupe la 3e place avec 5 points. Le Maroc vient en première position avec 11 points. La Mauritanie est 2e avec 6 points. Et la République centrafricaine occupe la dernière place avec 4 points. Nous reviendrons sur la Centrafrique pour vous parler de l'investiture du président centrafricain réélu Faustin Archange Touadéra. C'est ce mardi, le président Evariste Ndayishimiye est déjà arrivé à Bangui. Mais avant cela, c'est la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Il est difficile, voire impossible, de traiter l'obésité en phase sévère. Docteur Jean-Claude Chichahayo explique néanmoins qu'une personne en surpoids peut revenir à la taille normale en diminuant la consommation de matières grasses et en pratiquant du sport au moins 3 fois par semaine. Son médecin dit que les conséquences sont énormes chez une personne obèse puisque pouvant développer des problèmes cardiaques. Ornella Mucho. Limiter une consommation de graisse saturée, une consommation de boissons sucrées ou alcoolisées sont certains des bons réflexes à prendre pour avoir le poids normal. Docteur Claude Chichahayo précise que cela est possible en cas de surpoids, mais difficile en cas d'obésité sévère. Les parents doivent consulter le médecin lorsque leurs enfants sont nés avec des cellules adipeuses nombreuses. Normalement, dans les premiers mois de la vie de l'enfant, il y a des consultations pour les histoires de vaccination. Il y a un programme qui est établi pour essayer de surveiller le poids. Il y a des courbes qu'on trace dans les cahiers qu'on donne aux mamans. Et ces courbes-là, il y a une ligne, une courbe qui trace le poids normal. Et que ça soit. En bas de la page, il y a le poids, il y a la taille, et directement, ils vont vers une courbe qui montre qu'on a une taille normale et un poids normal. Mais si l'enfant est déjà situé au niveau de la courbe de surpoids, état de bas âge, il faudra que la maman soit directement inquiétée et aille consulter un médecin, pédiatre, nutritionniste surtout, pour lui donner un calendrier et un canevas de suivi de l'enfant et aussi l'alimentation qu'il faudra lui donner. Faire des activités physiques au moins 3 fois par semaine est l'un des moyens de prévention contre l'obésité. Il faut essayer d'agir dans notre mode de vie, surtout dans la cuisine. On peut essayer de cuisiner sans matière grasse. C'est un peu difficile, mais il faut que les gens le fassent. Il faut éviter les plats en sauce et il faut limiter la consommation des charcuteries, les frites, le laitage, ainsi de suite. Il faut limiter les fromages aussi. Il faut que les gens aussi apprennent à faire des activités physiques régulièrement. Quand je dis régulièrement, il faut que ça soit tous les jours, au moins 30 minutes ou 40 minutes, mais que ça soit régulier. Comme ça, ils essaient de changer le mode sédentaire en mode nomade, je dirais. Comme ça, ils vont favoriser la force musculaire et la force de l'organisme et ils n'auront plus de problèmes de ces histoires d'obésité. Les personnes obèses sont vulnérables de plusieurs maladies, dont le diabète et la stérilité. Il y a beaucoup de conséquences sur la santé. L'obésité peut déclencher le diabète, ça peut entraîner une hypertension artérielle, ça peut avoir créé des complications cardiovasculaires, ça peut entraîner des complications articulaires, ça peut entraîner aussi des complications respiratoires, ce qu'on appelle le gène du sommeil, apnée du sommeil, des lithiases vésiculaires, des gens qui ont des calculs au niveau du conduit de la bile vers les organes digestifs. Il y a augmentation aussi d'un risque de certains cancers. Il y a aussi la dépression, des stérilités, et des troubles des règles, surtout chez les femmes. Selon les études faites en 2016 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 2 milliards de personnes âgées de 18 ans et plus sont en surpoids et parmi elles, 650 millions sont atteintes d'obésité sévère. Merci Ornella Mocho. Comme je l'annonçais dans les titres, c'est la deuxième et dernière partie sur l'obésité. Actualité internationale à présent, je vous l'avais dit tout à l'heure. Le président centrafricain réélu Faustin Archange Touadéra doit être investi ce mardi 30 mars pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la Centrafrique. Entre-temps, le pays est toujours en proie au conflit déclenché en décembre par l'ancien chef de l'État François Bozizé, aujourd'hui coordonnateur de la CPC, la Coalition des Patriotes pour le Changement. Et parmi les autres personnalités étrangères arrivées ce lundi 29 mars à Bangui pour l'investiture, le président du Burundi Evariste Ndayishimiye. La présence du président rwandais Paul Kagame fut un temps évoquée. Finalement, c'est le chef de la diplomatie qui sera présent. Rappelons que le Rwanda a envoyé des troupes en renfort en décembre pour aider les Centrafricains à combattre la rébellion. L'ambassadeur russe à Bangui somme l'ancien président François Bozizé de rendre les armes sous peine d'être neutralisé. Et le groupe État islamique revendique l'attaque de Palma dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. Une attaque qui aurait fait, selon les autorités de Maputo, des dizaines de morts et provoqué la fuite de milliers de réfugiés depuis mercredi. D'après nos confrères de RFI, l'organisation djihadiste à laquelle s'est rallié le groupe islamiste mozambicain Ansar al-Sunna affirme contrôler la ville côtière à quelques kilomètres du méga projet gazier du Français Total. Projet qui est de nouveau suspendu depuis samedi. Des centaines d'employés ont été rapatriés à Pemba, la principale ville du Cabo Delgado plus au sud, et qui n'est pas aux mains des djihadistes, ou encore plus loin à Maputo, la capitale mozambicaine. Et l'autorité du canal de Suez a annoncé lundi la reprise du trafic sur cette voie maritime majeure qui était obstruée depuis près d'une semaine par le porte-container géant Eva Given, finalement remis à flot. Lundi matin, à l'aube, le navire de 400 mètres de long et de plus de 220 000 tonnes battant pavillon panaméen avait commencé à bouger après la libération de sa poupe immobilisée sur la rive ouest du canal qui voit passer environ 10% du commerce maritime international. L'assureur Allianz a estimé que chaque jour de blocage du canal pourrait coûter entre 6 et 10 milliards de dollars. Sachez que près de 19 000 navires ont emprunté le canal en 2020, précise-t-on. Enfin, quelques 7000 ex-habitants dans Minovi, dans la capitale de la Sierra Leone, Freetown, détruit par le feu de la semaine dernière, nécessite une aide d'urgence, comme l'a indiqué lundi l'agence de gestion des catastrophes de ce pays, pauvre d'Afrique de l'Ouest. Dans la soirée du 24 mars, en effet, un incendie a entièrement détruit le bidonville de Susan's Bay, au bord de l'océan Atlantique, l'un des plus grands de la ville. L'Union européenne, les États-Unis et l'ONU ont indiqué qu'ils étaient prêts à venir en aide aux sinistrés. Il est 13h18 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Je rappelle que l'équipe nationale de football, les Inhamba Murugamba, joue avec le Maroc son dernier match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 à Rabat. Ce sera à 21h. Et le président du parti monarchiste, Guillaume Rosovio, est mort ce lundi à l'âge de 65 ans. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Toussaint Mitevoti au micro. Jean Bosco Ndouimana, un très bon après-midi.